Dossier 7. Première partie. Au bord de la mer. Sur la place du village, Joseph et Raymond sont sur le banc. François se dirige vers eux. Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Vous profitez des derniers beaux jours ? Eh oui. Bientôt, il faudra faire du feu. On en aura bien profité cette année. L'été a joué les prolongations. Dites, vous savez où sont Bernard et Corinne ? Ils sont partis passer la journée au bord de la mer. Mais ils ne devraient pas tarder à revenir. C'est vrai, ils me l'avaient dit. Heureusement que vous êtes là pour nous donner les nouvelles du village. En parlant de nouvelles, tu sais qu'on continue à raconter que Bernard et Corinne vont quitter le village. Laisse-les dire. Quand les gens seront fatigués de raconter toutes ces histoires, ils s'arrêteront. Et il a raison, Raymond. Mais si vous savez d'où ça vient, il faudrait peut-être le leur dire. Moi, je ne sais rien. Mais j'ai ma petite idée. À la terrasse d'un café, à Villefranche-sur-Mer, Corinne et Bernard admirent le paysage. Un garçon de café apporte des consommations. Merci. On y aura mis le temps, mais on y sera quand même arrivé à passer une journée au bord de la mer. Oui, ça valait la peine d'attendre. Quand la saison sera vraiment finie, on pourra prendre quelques jours de vacances pour aller en Italie, si tu veux. Oui, ça serait sympa. Et quand Laura aura terminé ses études, on pourra voyager pendant l'hiver. Oui, j'en ai envie et en même temps, j'ai envie de rester ici. Je m'y sens si bien. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ailleurs ?